Junior Okito. Je le m'assois. Dodo Lolendo. Jipeka. Kitembe. Et Bobo Yondela. Et Gatayeye. Silko Shabani. Il faut y évacuer. Namo Kilioyo. Motonyo Sazala Kamo Kondina Kwenaye. Pena Tango Naye. Nakotuna, Parishman et Asina Kotuna. Nakotuna, Panini Mokile Bongwanie. Boto Siteo, Pabotina Bana. Boto Siteo, Papulutuna Baleki. Oyo Nyoso, Papuluka Koela Tiake. Badive, Betanga Fula Pongo. Piano. Yann Moussengo. Chana Gladys, ma petite amour, nouvelle écriture quoi. Pépé Akoutier, Lossi Assassa, Bibi Chamoudingaï.